Porte-moi ce soir, Daniel, mon ami. Dis-moi, comment va ta vie? Toutes ces années passées à bourlinguer sur les routes du pays. À disperser les parties de ton cœur comme un marchand de bonheur. Rassure-moi, dis-moi qu'on a bien fait de tout donner et que ça vaut la peine de continuer. Après toutes ces années comme un vieux loup, je me sens encore un peu fou. Comme toi, sillonné contre le vent, les refrains de mes chansons. Je ne regrette rien, 100 fois par jour, je me demande si j'ai oublié quelqu'un. On a choisi ce métier-là, faut jamais l'oublier et continuer sans jamais s'arrêter. Parfois on a fait rire, parfois on a fait pleurer, ensemble on a essayé d'oublier tous les petits problèmes qui font partie de la vie, toutes les peurs et les chagrins aussi. Quand on aura tous les deux pris de l'âge et oublié nos refrains, mais dis-toi bien que dans le vent, les nuages murmureront nos chansons. Écoute-moi, que va-t-il nous rester quand on sera fatigué? Vont-ils se rappeler? Vont-ils se souvenir de nous? Je n'en suis pas si sûr, je te l'avoue. Parfois on a fait rire, parfois on a fait pleurer, ensemble on a essayé d'oublier tous les petits problèmes font partie de la vie, toutes les peines et les chagrins aussi. Tous les petits problèmes qui font partie de la vie, toutes les peines et les chagrins aussi.